un tout petit peu plus de 3 semaines sera venu le temps de mettre votre bulletin dans l'urne pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et oui, déjà 3 semaines après une campagne qui, il est vrai, a été partiellement confisquée par la guerre en Ukraine. Quelle place pour les sciences, quel projet pour la recherche, quelle réforme pour l'enseignement supérieur, quels engagements pour la sauvegarde de l'environnement. Nous nous proposons aujourd'hui de mettre face à face le programme des principaux candidates et candidats en matière scientifique, des sujets qui ne font ni le sel des débats télévisés, ni la une des journaux et qui sont généralement passés sous silence, mais pas à la méthode scientifique, que diable! Présidentielle, où sont les sciences? C'est le programme électoral qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour disséquer les programmes des principaux candidates et candidats, et Dieu sait qu'il a parfois fallu s'armer d'un peu de patience, voire d'une loupe pour trouver les références à la recherche et à l'enseignement supérieur dans les documentations de campagne. Trois fiers explorateurs et exploratrices des politiques publiques en matière scientifique. Bonjour Dominique Leglu. Bonjour, bonjour. Directrice des rédactions de notre partenaire Chéri Sciences et Avenir ainsi que du magazine La Recherche. Bonjour Olivier Aymon. Bonjour Nicolas. Chef du service santé et environnement chez nos camarades de France Info. Et bonjour Sylvestre Huet. Bonjour. Journaliste indépendant et auteur du blog Science au Carré sur la plateforme du Monde. Mais on commence par votre programme quotidien d'actualité des sciences et de la recherche. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec le rapport annuel de l'état mental dans le monde qui vient de paraître. En 2021, la santé mentale de la planète s'est encore dégradée. Et cette grande enquête en ligne a collecté les réponses de plus de 223 000 participants de 34 pays, partout dans le monde, avec un questionnaire pour évaluer leur niveau de détresse psychologique. Alors la limite de ce travail, c'est que cela ne concerne que les personnes qui ont un accès à Internet et qui sont déjà intéressées par ce domaine. Néanmoins, il en ressort que l'état de la santé mentale mondiale a régressé de 3% en 2021 par rapport à 2020. Or, c'est moins qu'en 2020, où on a vu une régression de 8% par rapport à 2019. C'est surtout aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre, où on voit une dégradation importante de la santé mentale. Selon les auteurs, ce sont les conséquences de la crise sanitaire, mais pas seulement. Fabienne Elcoury est chercheuse en épidémiologie sociale à l'INSERM. Ils ont vraiment fait l'effort de mesurer de la même façon la santé mentale dans plusieurs pays dans le monde entier, dans différents continents, d'une manière plutôt homogène, c'est-à-dire ils ont essayé de mesurer la santé mentale de la même façon. C'est ce qu'il manque d'habitude dans les études, c'est-à-dire généralement on mesure la santé mentale ou d'autres indicateurs de santé d'une manière différente, qui fait qu'on ne peut pas comparer d'un pays à un autre. Alors ce qu'on apprend avec cette enquête, on le voit aussi à partir d'autres études scientifiques. En fait, ça fait quelques années qu'on arrive aux mêmes conclusions à partir de différentes études, différentes méthodologies. C'est que la santé mentale de la planète, elle diminue spécialement chez les jeunes, spécialement chez les femmes et spécialement chez les personnes en situation socio-économique défavorisée. Avec le Covid, la santé mentale des populations, elle a diminué et on voit bien que c'est les jeunes qui étaient les plus atteints, c'est-à-dire c'est les jeunes qui ont la santé mentale qui a le plus été touchée par la pandémie. En 2021, on voit toujours les mêmes conséquences de la pandémie qui dépendent d'une situation professionnelle et d'une situation socio-économique détériorée, mais aussi de manque de l'interaction humaine. Ça augmente la dépression et les symptômes d'anxiété ces deux dernières années. Dans toutes les études populationnaires, européennes ou américaines ou d'autres, on voit bien cette détérioration de la santé mentale. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de limiter les dégâts de la pandémie. Car malheureusement, on ne pense pas que ça va être juste en 2021 ou 2022. L'idée, c'est qu'on a bien compris qu'il y a une détérioration importante. On a bien repéré les populations qui sont les plus touchées, notamment les jeunes, les femmes et les personnes en situation de précarité sociale. Maintenant, il faut plus d'études sur les interventions qui marchent et qui vont améliorer la santé mentale de ces populations. Et il faut vraiment limiter les dégâts, spécialement chez les enfants. Du coup, maintenant, il faut faire plus d'actions pour améliorer la santé mentale chez ces personnes. Voilà, vous pouvez retrouver ce rapport complet dont on vient de poster le lien, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Hier, la NASA a dévoilé la première image nette prise par le James Webb Space Telescope. On y voit au centre une étoile, mais aussi en arrière-plan de nombreuses galaxies. Une image limpide produite par NIRCam, la caméra dans le proche infrarouge. C'est l'image la plus résolue dans le domaine de l'infrarouge prise depuis l'espace. Elle a été réalisée en visant une étoile pour tester l'alignement des miroirs. Les 18 hexagones plaqués en or doivent tous être alignés avec une grande précision pour agir comme un seul. Le processus d'alignement n'est pas tout à fait terminé, mais le télescope montre déjà son incroyable sensibilité. Quelques ajustements sont encore prévus. On attend les premières images scientifiques en juin ou en juillet. La France va de nouveau produire du paracétamol sur son territoire. Il y a 2 ans, lors du premier confinement, nous avons eu la crainte d'une pénurie de paracétamol et d'autres médicaments cruciaux qui sont essentiellement fabriqués en Asie. Sequence, le groupe chimique français, va construire une unité de production de principes actifs à Roussillon, dans le département de l'Isère. Un projet en partenariat avec Sanofi et UPSA, et avec le soutien du programme France Relance, qui finance un tiers de la plateforme. D'ici 2023, Sequence devrait produire 10 000 tonnes de paracétamol par an. Par ailleurs, pour relocaliser la production pharmaceutique en France, l'État subventionne 180 projets de fabrication de principes actifs sur le territoire. Et enfin, le Danemark a annoncé la volonté d'interdire le tabac aux jeunes générations. Et dans le cadre d'une grande réforme de la santé, le gouvernement danois vient d'annoncer un plan. Interdire la vente de cigarettes à toute personne née après 2010. Les pays qui visent une nation sans tabagisme sont de plus en plus nombreux. L'Irlande, la Suède et la Finlande souhaitent des générations sans tabac dès 2025 ou 2030. La Malaisie et la Nouvelle-Zélande ont également annoncé des mesures similaires pour créer des nations sans tabagisme d'ici 2025. Merci Natacha, à demain pour le journal des sciences de la semaine. 3 petites semaines donc nous séparent maintenant du premier tour de l'élection cardinale de la vie politique française, la présidentielle. Il ne vous aura pas échappé que cette élection est un tantinet atypique, tant la campagne aura été éclipsée à la fois par la guerre en Ukraine et par un président sortant déclaré très tard, qui refuse quasiment d'entrer dans l'arène politique et de confronter son projet avec celui des autres candidates et candidats. Je vous précise d'ailleurs qu'Emmanuel Macron vient à l'instant de dévoiler son programme, qu'il y a fait mention de la recherche, on pourra l'évoquer dans les minutes qui viennent. Ceci étant dit, autant dire que dans ce contexte, eh bien, parler politique de la recherche, ambition scientifique, enseignement supérieur relève quasiment de la mission impossible. Non seulement ces sujets ne font pas les riches heures des débats télévisuels, mais ils ne sont tout simplement pas traités au vu des autres thèmes plus centraux, d'aucuns diraient accrocheurs, qui structurent le débat public actuel. C'était sans compter la méthode scientifique, nous allons donc tâcher d'examiner les principales propositions en matière de sciences, de recherche, d'enseignement supérieur et d'environnement des principaux candidats et candidates avec Dominique Le Glu, Olivier Aymon et Sylvestre Huet. Premier constat, où sont les sciences? C'est le titre de cette émission, parce que quand on se penche sur les programmes qui ont été pour la plupart mis en ligne par les différents candidats, c'est vrai qu'il faut parfois faire, Dominique, un peu d'archéologie pour trouver la mention de recherche. Oui, il faudrait presque avoir un microscope. ou alors c'est l'inverse. Ou alors on a un mur devant soi et ça vous bouche toute la vision. C'est-à-dire, évidemment, ce qu'on voit, est-ce que c'est de la recherche nucléaire. Nucléaire. Ouais, hein, le débat sur l'énergie, c'est vrai, a concentré une grande partie des propositions. C'est le moins qu'on puisse dire. Éolienne. Mais bien sûr, mais ça c'est le petit pendant. Non, parce que si je peux développer tout de suite. Vous en prie, bien sûr. Sur nucléaire. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un florilège extraordinaire. Il faut rappeler que c'est votre spécialité, Dominique, le nucléaire. C'est votre formation initiale et vous avez une certaine expertise sur le sujet. Oui, enfin, j'aime surtout les particules, vous savez, les accélérateurs de particules. Mais enfin bon, ne pinaillons pas. Alors, ce florilège, pour moi, bon, effectivement, d'abord lancé par Macron quand même. Hein. On a tous entendu les 6 EPR. EPR, qui est donc ces réacteurs, un peu plus gros, voire franchement plus gros que ceux actuellement, et en principe, plus sûrs. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont plus chers, et puis ils ont l'air assez longs et difficiles à construire. Enfin, passons. Donc 6. Mais alors, Le Pen, elle dit 3. Hein, mais alors Zemmour, Zemmour, il veut tout remplacer, il veut ses 14, ses 14, 14, 14 centrales. 14, non mais allons-y, allons-o, 14. Et puis alors bon, hein, tous les autres, plus de 60 ans, no problemo, hein, on assurera la sécurité et la sûreté, ça c'est sûr. Des centrales vieillissantes, vous parlez, hein, voilà. Mais bien sûr, nos réacteurs actuels, hein, il faut quand même voir que la démographie de nos réacteurs actuels, bon, ben ils sont pas tout jeunes, tout jeunes. Mais surtout, il y a d'autres petites choses. Ou des grosses choses très intéressantes. Comme par exemple Astrid. Vous connaissez Astrid, alors, bien sûr. Vous allez nous rappeler ce que c'est. Un réacteur qui permettrait, ou en tout cas un prototype qui permettrait de faire fonctionner des neutrons rapides. Vous vous souvenez tous de Super Phénix, hein ? C'était une super histoire qui s'est super mal finie. Et bien là, rebelote, Zemmour voudrait Astrid et qui d'autre ? Notre ami Roussel. Non, alors écoutez, j'ai l'air de plaisanter, mais c'est vachement important. Pourquoi ? Parce que nos amis russes, qui ne sont pas nos amis en ce moment, ils poursuivent les questions de neutrons rapides. Les Chinois aussi. Donc évidemment, vous avez toute une pléthore de gens qui se sont trouvés... Ils ne pouvaient plus travailler parce qu'on avait supprimé ce prototype qui... Bon, il n'y avait pas grand monde qui savait les centaines de millions que ça coûtait, mais à un certain moment, ça a été supprimé. Donc, très important tout ça. Je blague pas du tout. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on peut dire aujourd'hui, Sylvestre, que effectivement, le débat énergétique n'a jamais été aussi important en France, évidemment lié au contexte de la guerre en Ukraine, et que le débat nucléaire qui était avant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, même à la précédente présidentielle, cantonné à maintenant le nucléaire, on arrête tout, on ferme les centrales, on sort, etc., reprend une place dans la politique énergétique et donc dans la politique de la recherche aussi, absolument centrale, puisque effectivement, on ne parle quasiment que de ça. Oui, ne confondons pas tout de même les questions de politique industrielle pour l'immédiat et les années à venir, et donc qui sont autour de combien de réacteurs de type EPR à construire pour remplacer les réacteurs actuels qui arriveront en fin de vie. Et la recherche pour le plus long terme. Il n'y a pas très longtemps, le 9 mars, le gouvernement a lancé un nouvel appel à projets dans le cadre du programme France 2030. Et doté d'1 milliard d'euros, il vise, je cite, « à faire émerger de nouvelles technologies nucléaires et développer en France des réacteurs innovants intégrant une meilleure gestion des déchets ». Le gouvernement évoque de nouveaux concepts, des innovations de rupture, des réacteurs qui feraient de la production combinée d'électricité et de chaleur ou d'hydrogène. Et il précise même viser la fermeture du cycle du combustible, c'est-à-dire utiliser dans des réacteurs la totalité du plutonium qui est produit dans les réacteurs actuels. C'est-à-dire de réutiliser finalement les déchets produits par les centrales actuelles et de ne plus importer d'uranium extrait. Là, il y a un petit problème nouveau. De vocabulaire. Nomenclature française, le plutonium n'est pas un déchet, c'est une matière nucléaire énergétique, c'est une réserve d'énergie. Ça n'est pas considéré comme un déchet nucléaire. Les produits de fission, les actinides mineurs qui sont vitrifiés à la Hague ont une destination qui a été votée par la loi en 2006 et en 2016 qui est l'enfouissement géologique. Ça, ce sont des déchets et les réacteurs à neutrons rapides ne changent pas grand-chose à cette situation et à ce destin. D'abord parce qu'ils produisent eux-mêmes des produits de fission et des actinides mineurs. On évoque l'idée de transmuter les actinides mineurs en produits de fission pour avoir des déchets qui seront moins longtemps radioactifs au prix d'être plus radioactifs à court terme. Mais ça ne change pas ça. En revanche, ce qui est la radicale différence entre un réacteur à neutrons rapides et les réacteurs à neutrons dits lents actuels, c'est l'utilisation de l'uranium naturel. Dans un réacteur à neutrons rapides, on peut utiliser massivement l'uranium-238 qui constitue plus de 99% de l'uranium naturel. Un parc de réacteurs à neutrons rapides, dont il n'est absolument pas question de le construire maintenant, hein, c'est un projet de recherche de long terme, changerait radicalement le problème de l'approvisionnement en uranium, puisque tout simplement, on n'en aurait plus besoin. Parce qu'il y a aujourd'hui en France des stocks d'uranium appauvris qui permettent de produire toute l'électricité française pendant des siècles avec ce type de réacteur. Donc, la question de la recherche sur les réacteurs à neutrons rapides, qui est mondiale, pas française, est une question de long terme. Et ce qui est assez comique, c'est de voir que le président Macron a imposé assez brutalement au CEA l'abandon du projet Astrid. D'ailleurs, pour le faire, il a dû virer du CEA les deux dirigeants de l'époque, hein, M. Ververde et M. Bréchet, parce qu'ils étaient opposés à cet abandon. Mmh. Et aujourd'hui, on a un appel à projet qui reprend certains des thèmes majeurs qui étaient ceux que Astrid devait travailler. Non, mais ce qui est intéressant, Olivier, c'est de voir que le nucléaire, pendant très longtemps, a été une sorte de bâton empoissé, disons, parce qu'à chaque fois qu'on essayait de l'attraper, on s'en mettait plein les mains. Il y avait les pour, les contre, et c'était un débat complètement noyauté, qui était quasiment impossible à avoir, et les gens se hurlaient dessus. On voit qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, puisqu'on parle de science dans la campagne présidentielle, la question du nucléaire se réinvite, et on peut en discuter. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient un sujet de discussion, et on est sorti d'une certaine manière de cette espèce d'opposition frontale qui faisait qu'il y avait les anti d'un côté, les pros de l'autre et aucun des deux ne pouvait discuter. On a rouvert une discussion qui est une discussion scientifique sur le sujet, ce qui pour le coup peut être assez intéressant pour éclairer les citoyennes et les citoyens. Oui, elle est scientifique, elle est technologique pour beaucoup. Bien sûr. Et il y a quand même sur un champ une vraie différence entre les deux. Quand on se demande où est la recherche, où est la science, on parle beaucoup. Et d'ailleurs, quand on voit dans les programmes, on parle d'innovation, on parle de compétitivité. C'est, d'une certaine manière, c'est ce qui est applicable directement qu'on met en avant le nucléaire. On voit bien parce que la question devient plus que brûlante, parce que les centrales, comme l'a dit Dominique, sont en train de vieillir, parce qu'il faut à un moment trouver des alternatives au gaz ou au pétrole. Donc, mais c'est de l'application qu'on a finalement. Il y a très peu de choses, et en tout cas dans le discours, globalement sur dans une société, dans un projet de société, ce qu'est la science, ce qu'apporte la science, ce qu'apportent les chercheurs, comment ils se positionnent, sur quel grand débat on les positionne. Mmh. On voilà. Et d'ailleurs le ministère aujourd'hui, c'est plus le ministère de la recherche et éducation, enseignement supérieur, recherche et innovation. Mais on va revenir sur la recherche dans un petit instant, mais qu'on en termine sur cette question du nucléaire tout de même. Dominique, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter deux choses. La première, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a quand même un problème de piscines qui sont archi-pleines de matériaux fissiles qu'il va falloir remettre dans les réacteurs. Or, vous savez que l'on mélange, hein, on mélange ces matériaux pour les refaire donner de l'énergie. Et pour l'instant, on a un problème. C'est pour ça qu'il faut construire aussi à nouveau d'autres réacteurs. Et il faut aller très vite. Juste maintenant, hein, ces mois-ci, ces années-ci, on a un problème. Et puis l'autre chose, bah, c'est que je n'avais pas cité, à l'inverse, le programme de Jadot. Mmh. Lui, il veut tout arrêter. Mélenchon aussi veut sortir. Et Mélenchon, bien sûr. Pas exactement. De la même façon, pas tout à fait au même échéance. Il y a du 2030 et puis d'autres, c'est un peu plus tard. Mmh. Mais voilà, quand même. Mmh. Voilà. Sinon, pour ce que vous disiez, sortons donc de notre discours, de nos discours sur le nucléaire. Alors voilà, moi je vais vous dire. J'ai cherché en premier, parce que quand même, on parle que de ça, cybersécurité. Alors, attendez, Dominique, on va aller à la cybersécurité, mais j'aimerais qu'on regarde d'abord, dans un premier temps, les programmes pour la recherche, parce qu'il y a quand même des candidates et des candidats qui se sont exprimés sur leurs ambitions pour la recherche publique, pour la recherche privée, et on va examiner cela, et on viendra à la cybersécurité sur le numérique tout à l'heure, si vous le voulez bien. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h, bientôt 20, nous parlons donc du programme scientifique, de recherche, de politique de la recherche et d'enseignement supérieur des différents candidats à la présidentielle avec mes camarades Dominique Leglu, Olivier Aymon et Sylvestre. Vous disiez quelque chose, Olivier, que j'aime bien. Vous disiez que quand on commence... Mais c'est vrai. Vous disiez la recherche, aujourd'hui, concrètement, c'est un impensé politique. Il n'y a plus de ministère dédié depuis 2002. Et en fait... Finalement, comme vous le disiez d'ailleurs, la recherche, on parle d'innovation, de compétitivité, mais la recherche en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'objet politique, est quelque chose qui a quasiment disparu du discours public. Finalement, dans le discours, globalement, l'image, c'est la recherche, c'est des ingénieurs, quoi. C'est des ingénieurs pour du nucléaire, c'est des ingénieurs pour aller faire des ordinateurs quantiques, etc. Mais on a l'impression que la première brique la recherche, la pensée scientifique, quelles hypothèses, comment j'avance, sur quoi je pars, etc. Comment je construis une étude, comment je construis une recherche, tout ça n'existe pas en fait, ni dans les discours, ni d'une certaine manière ou de façon un peu vague quand on regarde les programmes. Quand on dit on va pousser le budget de la recherche à 3% du PIB, bon, on peut dire ça comme dire on va peindre la queue des vaches en bleu. Enfin voilà. Certes, mais néanmoins sur les 3% du PIB, il y a certains candidats qui s'y engagent. Il y a des candidats Roussel, qui s'y engagent. Mélenchon et Zemmour. Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan. Ah, bah vous avez complété ma liste. Un mot là-dessus, Sylvestre, sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on n'attend plus finalement de la recherche qu'elle soit un rouage à la compétitivité et à l'industrie, que la recherche en tant que telle n'est plus pensée politiquement. Vous partagez ce point de vue ? Je serais plus nuancé. Alors, la politique de Macron, c'est la continuation de celle de Hollande et de Sarkozy pour ce qui concerne la recherche de base. Autrement dit, c'est l'idée que l'effort public de recherche en recherche de base ne doit pas être augmenté, qu'il est suffisant. Et que pour avoir de meilleurs résultats, on va fouetter les chercheurs et le système avec des modes de financement avec des appels à projets qui bouffent un temps et une énergie considérable aux chercheurs pour des résultats aléatoires, avec cette sorte de crainte qu'on gaspillerait de l'argent public dans de leur recherche de base ou dite fondamentale. Ça, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Le fait qu'il ait fait reconduire Antoine Petit comme PDG du CNRS récemment est le signe qu'il ne compte pas changer de politique s'il est réélu. Donc l'avenir de la politique de recherche de Macron, on la connaît, c'est son passé. Oui, par ailleurs, alors je précise quelque chose et je vous redonne la parole, Sylvestre, puisque Emmanuel Macron, candidat, a détaillé à partir de 15h c'est son programme. Il a évoqué la recherche et effectivement, si on devait résumer ce qu'il a précisé dans son discours, c'est la loi de programmation pluriannuelle, la LPPR, 25 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans, la même chose, on continue plus vite, plus fort. Donc... Alors, le problème, c'est le plus fort. Ça fait trois quinquennats qu'on a des présidents qui promettent, lors de leur élection, d'augmenter l'effort de recherche français, en parlant du public comme du privé, et qu'on n'a pas ça. Et que, du coup, à la fin du quinquennat, dans leur programme pour le quinquennat futur, ils font des promesses supplémentaires qui n'ont jamais été tenues et... D'autre part, quand on regarde plus précisément les promesses de Macron avec la LPR, on voit bien que c'est absolument pas le niveau nécessaire pour réaliser les 3%, qui sont quand même un objectif qui avait été fixé à la France en l'an 2000, il y a 22 ans. Les objectifs de Lisbonne. Alors qu'aujourd'hui, enfin en 2019, le dernier chiffre valable, à cause de la récession due au Covid, on est à 2,19% du PIB pour la recherche, public et privé, et seulement 0,8% de public. Et on peut ajouter à ça que le CNRS, en 10 ans, a perdu 10% de ses effectifs, soit 3000 postes. On est un des rares grands pays industrialisés à avoir stagné, voire régressé son effort de recherche. Ça se voit dans les comparaisons internationales, où la France baisse plus que ce que l'émergence de la Chine, de l'Inde, du Brésil, etc. Devrait provoquer. Donc il y a un vrai problème de moyens. Il faut quand même remarquer que il y a des candidats, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, qui font des propositions chiffrées qui permettraient de changer la donne avec des milliers d'embauches qui sont chiffrées, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, avec des crédits plus importants pour l'équipement des chercheurs. Et donc, là, quand même, il y a un clivage entre Macron et... qui poursuit une politique initiée sous Sarkozy et les deux candidats de gauche principaux, Mélenchon et Roussel. Et on peut, pour préciser, encore une fois, les 3% du PIB consacré à la recherche, c'est dans le programme d'Éric Zemmour, d'Anne Hidalgo et de Nicolas Dupont-Aignan, donc c'est quelque chose de a priori relativement transpartisan. Dominique Le Glu, peut-être un mot, par ailleurs on peut aussi préciser, puisque vous parliez du Japon, de la Chine ou de la Corée, l'Allemagne, le nouveau... 3%, 3, 3, 5, objectif 3,5 avec le nouveau chancelier Guillaume Lachol. Simplement, Dominique. Simplement, comme on parlait d'Antoine Petit, qui est le PDG du CNRS, c'est vrai qu'il se faisait pas beaucoup d'illusions quand nous avons fait sa grande interview au mois de septembre dans La Recherche, et qu'il disait, je pense que La Recherche sera pas ou peu évoquée lors de la présidentielle. Et je me souviens, et je rappellerai, que quand nous avions interviewé Macron en 2017, avant l'élection précédente, ce sur quoi il avait insisté pour atteindre ce 3%, que nous n'atteignons donc toujours pas, ce sur quoi il insistait, c'était l'effort de recherche privé. Oui, ben voilà. Et on y est. Et on y est. Et ça rejoint ce que vous disiez, Olivier, tout à l'heure, à savoir cette perception qu'il y a maintenant que quand on dit recherche, on se met à penser ingénieur et on parle intelligence artificielle, quantique, cybersécurité, etc. Et où ça va se passer? Ça se passe à la frontière, ça se passe à la fois entre du très fondamental dans des labos universitaires comme à Paris-Saclay ou au CNRS évidemment, mais vous voyez que le phénomène nouveau, je vais rien vous apprendre, enfin quand même, le phénomène nouveau de ces dernières années, c'est justement ce passage à, pas toujours tout de suite l'industrie, hein, mais presque, hein, ouais. Via les start-up ou via les alliances avec les labos. Quand on vous parlait de ça il y a 20 ans, c'était des traîtres à la cause, hein, qui s'alliaient à l'industrie. On a dépassé cette période-là. Regardez pour le quantique. Si j'ai le droit de parler du quantique tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On va parler du quantique tout à l'heure. Non, je veux qu'on continue un peu là sur le financement de la recherche. Alors, on a parlé de 3%. On trouve dans le programme de Valérie Pécresse l'engagement à 1 million supplémentaire pour la recherche fondamentale et les innovations stratégiques. Donc c'est un peu flou, 1 million, c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas très bien. C'est pas un milliard. Oui, c'est pas. C'est un milliard, pardon. Un milliard. Un million, c'est pas possible. C'est un milliard. On va pas une présidentielle en dessous du milliard. C'est ça. Oui, 1 milliard. Bon, enfin, toujours est-il qu'un milliard, on ne sait pas très bien à combien ça monte, et puis c'est un peu... voilà. Peut-être que... Non, Olivier, la question, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve en dehors des 3% face à ce clivage avec, d'un côté, tout de même des programmes de gauche plutôt orientés recherche publique, revalorisation des carrières de chercheurs, et qui sont assez calés sur les revendications des récents mouvements qu'on a pu entendre sur la recherche. L'application, enfin le débat autour de la loi de la LPPR, et de l'autre côté des candidats de droite plutôt libéraux qui priment sur, donc comme le disait Dominique, l'innovation, la concurrence et plutôt des encouragements fiscaux. D'ailleurs, on reviendra dans un instant sur les crédits impôts recherche. Voilà, parlons-en. Les crédits impôts recherche, par exemple, c'est dans le programme de Valérie Pécresse, qui, rappelons-le, a été ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur. Oui. Et dans son programme, c'est clairement renforcer le crédit impôt recherche pour les PME. Donc en plus, c'est très ciblé. Alors, d'une certaine manière, le crédit impôt recherche, on le retrouve aussi à gauche, parce que Yannick Jadot en parle, mais en disant qu'il faudrait réorienter vers les questions environnementales. Et décarboner. Voilà. Toutes les possibilités de décarboner l'industrie, notamment. Et on sait quand même, que le crédit impôt recherche, il y a un peu tout et n'importe quoi derrière ça. Enfin, voilà, c'est pas un secret qu'un certain nombre d'entreprises utilisent ce crédit d'impôt recherche. Pour défiscaliser, pour faire sans doute de la recherche, évidemment, en majorité, mais aussi parfois pour acheter des photocopieurs, quoi. Donc, oui. Il faut rappeler que le crédit d'impôt recherche est très, très largement critiqué, donc, par les mouvements de chercheurs que l'on évoquait, en disant que c'est un crédit que ça ne fonctionne pas, que ça profite essentiellement aux grands groupes, qui s'en servent effectivement pour défiscaliser et pas pour orienter vers le R&D. Et que ça ne sert pas ni aux PME et que c'est pas de l'argent qui retourne vers la science, Sylvestre, en quelques mots. Sur le CIR. On se rappelle que l'affaire du CIR commence par Sarkozy. Quand, par la réforme des modalités d'application du CIR, il va faire passer le montant de 2 à 6 milliards par an. Donc c'est devenu une très très grosse niche fiscale. Et le problème, c'est que, alors que les modalités précédentes permettaient d'orienter d'une manière majoritaire le CIR vers les PME, la quasi-totalité de l'augmentation, donc les 4 milliards, sont allés vers les grandes entreprises qui n'en avaient pas besoin pour faire de la recherche, et qui ont simplement optimisé leur déclaration fiscale à l'occasion de ce CIR. D'ailleurs, Madame Pécresse, à ses débuts de ministre, comme il y avait un peu de crise quand même, a dit à l'époque « Oui, non mais c'est bien, ça fait de l'argent pour les entreprises. » Bah non. Et donc le vrai problème, c'est quoi ? Le vrai problème, c'est que les gouvernements Sarkozy, Hollande, Macron ont présenté ces 4 milliards d'euros supplémentaires par an par rapport à la période précédente de crédits fiscaux comme étant l'outil majeur d'une politique publique de soutien à la recherche privée. Et le problème, il y en a deux problèmes. Le premier problème, c'est que ça ne marche pas, parce que sinon ça se verrait sur la part du PIB consacrée à la recherche. Or, elle n'a pas augmenté. Donc, un, ça ne marche pas. Et deux, ça n'a aucune capacité à orienter une recherche privée financée sur fonds publics vers la résolution des problèmes sociaux, environnementaux ou économiques, puisque ce sont les entreprises qui décident quelles recherches elles vont faire avec cet argent. Et la philosophie du crédit d'impôt recherche, c'est quand même l'idée que c'est des entreprises privées dont l'objectif est de faire de l'argent pour les actionnaires, souvent comme objectif principal, qui déterminent une part de la politique publique de recherche. Et ça, c'est à la fois inefficace, on le voit, et surtout c'est insupportable alors que nous avons besoin de mobiliser énormément d'argent et d'investissement dans des recherches finalisées sur les objectifs de développement environnementaux, sociaux, de lutte contre le changement climatique. Et donc on n'a pas les moyens de gaspiller de l'argent public dans des sujets qui ne sont pas ceux-là. Dominique, sur le CIR. Bon, écoutez, moi, je pense à d'autres choses, il faut que je vous le dise. Moi, alors, je pense aux auditions qui se déroulent depuis maintenant plusieurs semaines au Sénat. Tout à fait, alors je vous en prie. Expliquez-nous ce que c'est que ces auditions. Alors, ces auditions, elles ont d'abord un titre, je vais le citer, mais pas mot pour mot. C'est, pour résumer, c'est Excellence française, mais à l'arrivée, on n'a pas des grands champions industriels. Donc, où est l'erreur ? Cherchez l'erreur française, c'est ça qui est dit. Et j'ai écouté, pas tous, mais j'ai écouté un grand nombre de personnes auditionnées pendant ces auditions au Sénat. Et ce qui me frappe, c'est qu'ils, ce qui les gêne en fait, c'est tout un système d'organisation, une sorte de lourdeur qui fait que, et tout le monde le sait maintenant, quand on a découvert quelque chose, ce n'est pas de façon linéaire et simple que on trouve le produit, si c'est un produit, qui va aller derrière. Ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Vous avez besoin de faire des réseaux, vous avez besoin d'agréger plusieurs disciplines, mais aussi derrière, quand vous voulez produire quelque chose, être tiré par une demande éventuelle. Elle est jamais claire, la demande. Bref. Et là, on sent bien que tous ces responsables de grands instituts se disent « Mais comment faire mieux que ce qu'on fait maintenant, qui manifestement marche pas très bien ?» Et si vous voulez, ce qui est pas mis en cause, c'est pas la qualité de ce qui est fait, mais c'est la façon ensuite dont c'est, utilisons les gros mots, dont c'est exploité, dont ça rejaillit. Et moi, ce qui me frappe, parlons aussi quand même de contenu. Ce qui me frappe, c'est quand je vois nos amis anglais, post-Brexit, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils créent l'équivalent d'une DARPA, autrement dit, ces agences, cette agence américaine, hein, qui est souvent liée aux militaires, pas seulement d'ailleurs, mais beaucoup aux militaires, qui dit « je cherche les recherches à risque ». Celles où peut-être 7 sur 10 vont se casser la figure, mais il y en a 3 où ça va déboucher sur vraiment quelque chose. Eh ben, nos amis britanniques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de créer une agence comme celle-là. Et en fait, ce qu'on sent bien, et regardez cette création qui pose problème d'ailleurs, hein, de professeurs juniors dans les universités, c'est pour essayer d'attirer les gens sur des contenus qui vont vraiment importer et très vite. Et je les ai déjà cités, hein. C'est toujours les mêmes actuellement. C'est intelligence artificielle, c'est quantique, c'est cybersécurité, c'est comment on organise les réseaux, c'est du calcul algorithmique de haute performance. Et ça va irriguer tout. C'est là que moi je suis quand même un petit peu scandalisée que ça soit pas plus clair dans les programmes de nos chers présidentiables. C'est-à-dire de quoi a-t-on envie d'entendre parler? D'énergie, de mobilité, d'agriculture, de santé bien sûr. Hein, on n'est pas encore tout à fait sorti d'une pandémie. Pourquoi on n'entend pas assez parler de ça? Non, ça va pas du tout. Et évidemment, quid de la défense? Au moment où les Allemands disent qu'ils vont mettre 100 milliards dans la défense. Mais pourquoi on n'entend rien là? Et l'éducation, évidemment. Valérie Pécresse a des propositions d'orienter le budget de recherche vers l'innovation stratégique, vers la défense et vers les applications que vous évoquez. Mais on va y revenir. Super important de savoir quoi et que nos concitoyens en aient une idée. Or, hein, je vais pas vous faire un dessin sur la défense. Ça fait longtemps qu'en gros, hein, dans le grand public, tout le monde s'en fout. Non, mais c'est ça la réalité. Hein, vous avez entendu parler de la bombe nucléaire avant que maintenant il y ait la guerre et qu'on se pose des questions? Non, c'est de l'impensé ça aussi, c'est du non-dit. On va revenir et on va poser la question notamment de la recherche dirigée, de la recherche par projet. On ira voir un peu les conséquences de ces fameux grands plans quinquennaux qui sont initiés par chaque président dans un instant, et on parlera du plan quantique d'Emmanuel Macron. Peut-être juste un mot, on peut préciser, parce qu'on l'a pas dit, qu'il y a, je crois, et je parle sous votre contrôle, mais deux candidats qui sont pour la suppression pure et simple du CIR, c'est Fabien Roussel il n'y a que Fabien Roussel qui est contre. Oui, j'ai pas vu. C'est Fabien Roussel qui veut le supprimer. J'ai rien trouvé chez Mélenchon. En créant des pôles, on va dire publics de la recherche, voilà. Notamment sur le médicament et sur l'armement. Oui, c'est chez Jean-Luc Mélenchon. C'est chez Fabien Roussel. C'est Fabien Roussel. Si je puis me permettre, oui, bien sûr, sur la recherche finalisée, l'une des différences importantes qui se fait entre les candidats, c'est que à gauche, et notamment Fabien Roussel et nettement moins Jean-Luc Mélenchon, il y a l'idée de reconstruire des pôles publics industriels et donc de retrouver une capacité de recherche finalisée, intégrée à des activités de production, comme on a eu il y a 40 ans France Télécom, par exemple. Et ça change considérablement la donne sur toutes ces questions de transfert vers l'activité économique des résultats de recherche, donc ce qui est souvent appelé l'innovation. Pourquoi ? Parce que on a des problèmes de taille des marchés. On n'est plus il y a 50 ans. Et parce que on a tellement désindustrialisé la France que souvent, quand il y a des idées qui émergent d'applications, de production, y compris notamment en équipement production, d'équipement scientifique ou d'équipement de production dans les laboratoires de recherche, ce qui empêche la réalisation, c'est qu'il n'y a pas de partenaire industriel. Et ce n'est pas en fouettant les chercheurs du public qu'on va créer ces partenaires industriels. Là où la France est en très grande difficulté, c'est parce que on a un tissu industriel qui est aujourd'hui plein de trous, que on a des gens qui font HEC, école de commerce, etc., qui n'entendent jamais parler dans leur formation de ce que c'est un programme de R&D et de ce que c'est une usine qui produit. Et qu'on a des ingénieurs qui sont pas frottés à la recherche, contrairement aux ingénieurs allemands, et qui n'ont donc pas cette culture de développement, c'est-à-dire le moment où on passe de l'investissement de 1 recherche, 10 proto, 100 R&D industriels vers la production. C'est là que la France a sa plus grande faiblesse. Pour la dépasser, il faut probablement changer de braquet dans les relations recherche privée et industrie. L'une des solutions proposées par un candidat comme Fabien Roussel, c'est d'avoir de l'industrie publique. Et il propose de renationaliser complètement l'électricité, le gaz et d'autres secteurs industriels, de manière à ce que l'État puisse avoir une politique de filière, filière médicaments, pôle public du médicament. Et là, évidemment, tant qu'on est en face d'autres candidats ou présidents comme M. Macron qui ne veulent pas du tout recourir à ce genre d'outils pour la politique publique, alors on est obligé de faire confiance au marché. Et le problème, c'est ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la confiance au marché ne fonctionne pas pour ce qui concerne le développement de production high-tech en France. On va continuer à parler donc de ces programmes orientés sur la recherche. On va parler de notamment l'enseignement supérieur qui, vous allez le constater et l'entendre, fait partie des grands absents des programmes des différentes candidates et candidats. On va également parler donc de ces fameux plans quinquennaux. On va également parler un petit peu d'énergie, de cyber. Bref, il nous reste encore beaucoup de choses à vous raconter dans quelques minutes musicales. D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs. Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète. On avançait, sans progresser certes. On faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout, pendant une chute, on croit toujours voler. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok. Si c'est la fin de l'autodestruction, ok. On nous a trop demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Pas de mal avec ces putains de nous fera la mort. Nous fera la mort. Non, nous sommes des filles et des garçons manqués. Non, nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds. Non, nous sommes les témoins du monde qui régresse. Non, le poing dans le visage de la sagesse. Non, nous sommes la preuve du contraire. Les coups de pied dans la portière. Non, nous sommes la réussite par l'échec. Non. Des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous. Nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps. Des présumés capables, des héros un peu sales. On dégenre, on dérange, on dérange, on dérange, tu dégages, nous. Nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit. Nous sommes des cartes bleues bloquées. Nous sommes des rendez-vous ratés. Hey, allez, reste, allez, reste, allez, reste, allez, reste, on est fort. C'est pas demain la mec, c'est putain. Martin Luminet, Monde à 16h40 sur France Culture. Nous parlons donc des programmes des différents candidates et candidats à l'élection présidentielle autour des questions scientifiques et de la recherche. Nous en parlons avec Dominique Leglu, directrice des rédactions de Sciences et Avenir et de la Recherche. Olivier, moi je me fais engueuler Dominique. Vous êtes... Oui, je suis directrice éditoriale. Il y a une directrice des rédactions qui s'appelle Carole Chatelain. Bien sûr, que l'on connaît bien puisque nous la recevons. Donc voilà. Directrice éditoriale, autant pour moi, excusez-moi Dominique. Olivier Aymon, chef du service santé environnement à France Info. Sylvestre Huet, journaliste indépendant, auteur du blog Science au Carré sur la plateforme du journal Le Monde. Peut-être juste un mot avant de passer au reportage. Il y a une candidate dont nous avons singulièrement peu parlé et pour cause dans la première partie de cette émission, c'est Marine Le Pen. Parce que Olivier, Marine Le Pen, sur la recherche, il n'y a rien dans son programme pour le moment. Ça viendra peut-être un jour. Mais il y aura peut-être des choses. En tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'en parle pas. Et ce qui est sûr, c'est quand on regarde le programme, franchement, moi, j'ai rien trouvé personnellement. Donc. Je sais pas oui, si voilà. Oui, il y a oui, bah il y a oui, non. Voilà. Il y a à part les trois nouveaux EPR oui, il y a la question, et arrêter l'éolien. Et les éoliens. Et absence totale de planification écologique. Voilà. Alors ce qui diffère de d'il y a 5 ans hein. Où elle avait beaucoup d'items dans son programme. Je pense qu'elle a pensé que vraiment ça rapportait pas une seule voix. Ou peut-être que ça viendra, il reste encore 3 semaines, peut-être qu'elle dévoilera son programme pour la recherche dans les jours ou les semaines qui viennent. Allez, passons à la question des grands plans quinquennaux qui marquent donc normalement, ou qui sont censés marquer les mandats présidentiels. On se souvient notamment, entre autres, du plan cancer de Jacques Chirac, par exemple. Emmanuel Macron, pour lui, c'était le plan quantique, 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Bonjour Alexandra Delbo. Bonjour Nicolas. Quelles conséquences de ce plan? Vous êtes allé vous renseigner auprès des labos directement à l'université Paris-Saclay. Oui, j'ai rencontré Jean-François Roch, professeur à l'ENS Paris-Saclay, membre senior de l'Institut universitaire de France et coordinateur depuis quelques mois de ce centre Quantum Saclay. Il a été lancé en 2018 sous l'impulsion de Pascale Sénolard, directrice de recherche au CNRS. Et ce centre regroupe une centaine d'équipes de recherche, académiques et industrielles, avec comme objectif de renforcer les collaborations et de définir de nouveaux programmes de formation. Et Quantum Saclay a pu par la suite bénéficier du plan quantique, notamment à travers le financement de formations de jeunes chercheurs chercheurs et chercheuses, un point clé selon Jean-François Roch pour assurer une certaine souveraineté nationale et européenne dans les sciences quantiques. Le Centre Quantum a été fondé par une chercheuse CNRS qui s'appelle Pascale Senlar, qui a eu l'énergie et la vision qu'il fallait très tôt recenser les forces sur Paris-Saclay, au sens large, incluant aussi l'École Polytechnique, Télécom Paris, pour développer en fait tout ce qui allait, qu'on sentait, qui allait se mettre en marche ensuite et qui a été justement au cœur de toute l'activité liée au plan quantique. Donc on avait en quelque sorte déjà beaucoup de choses de près. Alors on n'a pas été les seuls, ça a été fait aussi à Paris-Centre, ça a été fait aussi à Grenoble et dans d'autres endroits. Donc on a recensé à ce moment-là à peu près une centaine d'équipes qui, au sens large, travaillaient sur les technologies quantiques, avec peut-être des spécificités par rapport aux autres endroits en France, qui étaient en particulier ce qu'on appelle la matière quantique, c'est-à-dire des matériaux qui sont, dont les propriétés sont spécifiquement quantiques, comme par exemple les supraconducteurs, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les matériaux à deux dimensions. Il y avait aussi évidemment tout le contexte historique, puisque c'est à Paris-Saclay qu'il y a eu beaucoup de découvertes un peu fondatrices du domaine, comme évidemment les inégalités de Bell par un aspect, le développement de ce qu'on appelait le quantronium, c'est-à-dire l'électronique quantique, en fait, au sens où on va être capable de faire des circuits quantiques dans l'équipe de Daniel Estève au CEA. En fait, il y avait beaucoup de force. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de développer. Et quand il y a eu l'annonce du plan quantique qui s'est faite au C2N par le président de la République en janvier 2021 au C2N, eh bien, en quelque sorte, on avait déjà ce cadre de travail entre nous. Il y avait eu une création entre le CNRS, l'université, de ce centre quantique qui aujourd'hui porte le nom de Quantum Saclay. Et c'est ça qu'on essaye de développer aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir former des étudiants qui pourront travailler sur ces questions-là, avoir une force aussi académique avec une interdisciplinarité et aussi un développement de projets potentiellement industriels, donc un partenariat avec eux. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est un petit peu ces aspects-là qu'on voulait développer, à l'origine, qui nous ont animés en quelque sorte dans la construction collective de Quantum Saclay. C'était par exemple renforcer le partenariat avec l'informatique. Ça, c'est très important parce que beaucoup de questions qui vont se poser pour le calcul quantique, pour la simulation quantique, vont être faites à travers aussi en impliquant cette communauté des informaticiens. Ou quelque chose de très fort aussi, c'est que l'ordinateur quantique va se développer en lien avec le calcul haute performance. Il y a de très grands centres de calcul haute performance sur Paris-Saclay, qui sont des centres nationaux. Donc il y a toutes ces infrastructures et il faut s'y coupler. Et c'est tout ça qu'il fallait créer. Alors c'est ça l'ambition de notre centre. Qu'apporte le plan quantique justement à ce centre-là ? Alors, ce qu'a apporté le plan quantique au cours des derniers mois, c'est plusieurs choses. Ce qu'il a apporté déjà, c'est à certaines équipes, c'est un mode de financement peut-être un peu particulier qui s'est fait à travers ce qu'on a appelé les PEPR, ces programmes prioritaires de recherche qui ont eu pour objectif vraiment d'accélérer certains domaines et de mettre des moyens dans un système où la compétition internationale, sur des sujets où la compétition internationale était extrêmement forte. Il fallait le faire. Et heureusement, voilà. Alors évidemment, comme toujours, là, entre le moment où les choses ont été décidées et le moment où l'argent arrive en France, il y a toujours un laps de temps considérable si on compare à d'autres endroits, parce que il faut passer par des étapes de contractualisation. Et là, on a beaucoup de progrès à faire, mais on va y arriver. Et je pense qu'il faut. On parle toujours de simplification, mais à la fin, quand on la vit sur le terrain, ça se traduit toujours par des conventions qui sont très lourdes. On n'a pas forcément les personnels aussi administratif pour gérer tout ça, si on compare à d'autres pays. Mais toujours est-il, voilà, la volonté y est, les moyens y sont et vont tôt ou tard finir par arriver. Donc ça, c'est deux aspects du plan quantique qui se sont mis en place très vite, qui viennent avec certaines contractualisations. Ça, c'est l'étape concrète où l'argent arrive et on peut commencer à le dépenser. Et c'est ça qu'il faut sur le terrain. Et on a pas mal de progrès à faire en ce sens, comme je l'ai dit. Et il y a eu aussi, comment ça se mettre en place, tout un soutien aux formations innovantes autour des technologies quantiques et essayer de mettre en place dès maintenant les filières de formation qui sont absolument nécessaires pour ça. L'amphithéâtre de formation amont, ça en quelque sorte c'est notre métier quand on est professeur d'université ou dans une école d'ingénieur, mais aussi de formation continue avec des besoins qui ne sont pas très bien encore identifiés. Mais du coup, il faut préparer tout ça. Et là, je dois dire, le plan quantique apporte justement à la fois les financements pour le faire et aussi, je dirais, un peu la motivation. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de choses, bah, vous pouvez toujours vous agiter, mais on ne va pas beaucoup vous écouter. Là, maintenant, on voit bien qu'il y a une volonté de le faire, il y a les moyens pour. Et maintenant, c'est à nous d'être innovants, de pouvoir répondre et que ça se mette en place dans des délais qui sont courts par rapport aux demandes et aux besoins en particulier qu'ont toutes les start-up qui sont en train de se développer autour des technologies quantiques. Voilà un point de vue en tout cas sur ce plan quantique lancé par Emmanuel Macron. Dominique, je vous voyais opiner du chef. Non, la question en fait que cela pose, c'est que je recevais hier trois chercheurs d'ailleurs pour parler de chimie ultra-froide. Donc on parlait justement de ce plan quantique et je dois dire tombé sur des chercheurs, ce qui n'est pas toujours facile, assez heureux, assez épanouis et assez fiers d'être le fer de lance d'une forme de recherche française en disant pour une fois que dans un domaine où on a un peu d'avance internationale, qu'on a des fonds, qu'on a des budgets et qu'on peut faire de la recherche, on va pas se plaindre. Donc est-ce que finalement ça n'est pas la preuve que ce plan-là a fonctionné, que tout n'est pas acheté dans les 5 ans du quinquennat Macron en termes d'investissement dans la recherche et dans la recherche ciblée en l'occurrence? En l'occurrence, oui, avec le quantique, ce que l'on voit, et alors là, par les faits, c'est que dans un concours international où on essaie de faire des standards, des normes, parlons français, des normes qui permettent de utiliser le quantique. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit, sauf erreur de ma part, si le résultat du concours est tombé, mais avant d'entrer dans ce studio, il n'était pas, je crois, sur les 4 derniers positionnés en tête, il y a partout des Français dans 3 des équipes. Mmh. Parce qu'on est très bon. Mais c'est aussi... À ce moment-là, vous entendez les candidats qui sont tous en train de dire « Ah oui, mais c'est l'héritage d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans ». C'est vrai que là, vous avez un héritage aussi de la qualité, de la supra-qualité de l'école mathématique française. Mmh. Et de l'école de physique quantique avec Dalibard, Astaire... Et avec ceux qui ont eu des prix Nobel. Hein. Tanouji. Oui, Cohen Tanouji, oui. Évidemment. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, pour aujourd'hui, c'est cette articulation entre une recherche la plus fondamentale et les utilisations, les applications, les utilisations. Alors, dans quoi ? Eh ben, justement, si on obtient un ordinateur quantique, va-t-on assurer la sécurité de tous nos réseaux quand il sera calculé tous nos codes à toute vitesse ? C'est la question fondamentale, hein, vous savez. Mmh. La sécurité. Vous y en parlez tout à l'heure, J'y suis. Mais ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce que disait ce spécialiste, qui parlait très doucement, très gentiment. C'est qu'effectivement, il y a des problèmes organisationnels à un moment. Mmh. Faut aller vite. Et c'est peut-être le problème français. Mmh. Sylvestre, est-ce qu'on peut reconnaître, je sais que c'est pas tout à fait votre tasse de thé en termes de politique de la recherche, ce que fait notre président actuel, mais néanmoins, là, il y a, que l'on soit d'ailleurs, que l'on parle de la recherche dirigée sur le quantique ou de regroupement Paris-Saclay, on est face à une université qui d'un seul coup réapparaît dans les classements internationaux, on est face à ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage politique un pôle d'excellence, donc on a peut-être réussi quelque chose, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, qui peut servir de modèle, ou est-ce que ça ne trouve pas grâce à vos yeux non plus ? Mais encore heureux que quand la France, que la 6e puissance économique mondiale, qui a été longtemps la 5-6e puissance scientifique mondiale, quand elle met plusieurs milliards d'argent public sur un sujet de science ou de technologie ou de construction d'un campus, elle ait des résultats, encore heureux, ça serait assez dingue si on n'avait pas des résultats quand on met les moyens. Mais tout de même, la recherche française... c'est celle qui, grâce à de grands chercheurs, a faire fructifier dans ces technologies de l'argent public. C'est aussi cette biologie qui a été empêché de participer à l'élucidation de la structure en trois dimensions du coronavirus, parce que toutes les équipes françaises qui demandaient quelques millions d'euros pour avoir un cryo-microscope ont été boulées dans les 10 dernières années, y compris celle d'un Bruno Canard, qui était un spécialiste des coronavirus. Et donc toute l'équipe est partie au Québec. La paupérisation, elle n'est pas totale, encore heureux, on n'est pas le Guatemala, mais c'est pas sauf parce que... Sauf notre respect pour nos amis guatémaltèques. Mais c'est pas parce que quand on met de l'argent et qu'on a déjà des bons chercheurs, on a des résultats, qu'il faut oublier que le au total, on est loin de ce qu'il aurait fallu faire en mobilisation d'argent public. Et on arrive vers la fin, quand même parlons un peu chiffres pour l'enseignement supérieur. Alors allons-y. Quand des candidats... Une parenthèse, là on parle évidemment biologie, voilà, et ne parlons pas de d'une chercheuse que j'ai eue une fois qui est dans une petite université de province et qui travaille sur la sociologie du hip-hop. Je peux vous dire qu'avant de trouver 2 euros, ça devient très très compliqué à la fois. Voilà. Le financement des thèses en sciences humaines et sociales... Donc on voit bien que là, il y a une vraie césure entre les sciences dures, on va dire. On en parlait ici, effectivement, faire financer une thèse en SHS, c'est quasiment impossible. Oui, c'est très difficile. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, allez-y, pour conclure quand rapidement, Sylvestre, sur le financement de l'enseignement supérieur. Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon sont, en quelque sorte, contraints d'annoncer que, s'ils sont président de la République, il faut embaucher immédiatement 10, 15 000 enseignants-chercheurs, juste pour assurer un encadrement décent des étudiants. On voit bien qu'on n'a pas fait ce qu'il faut ces 15 dernières années en financement de l'enseignement supérieur. Et pourquoi ? Essentiellement parce que aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande que Emmanuel Macron ne veulent pas mettre plus d'argent public dans l'enseignement supérieur et ont tous rêvé de faire payer aux familles plus les études. Ils n'ont jamais osé le faire. Ils ont eu peur de mettre les étudiants et les lycéens dans la rue. Mais en fait, comme c'est à ça qu'ils rêvent, du coup, ils ne prennent pas les moyens publics pour mettre l'investissement français dans l'enseignement supérieur au niveau nécessaire pour le pays. Olivier, c'est vrai que sur l'enseignement supérieur à proprement parler, à part les deux candidats que vient de citer Sylvestre, personne ne dit un mot sur l'université. Non, Emmanuel Macron aujourd'hui en parlant de renforcer l'autonomie des universités, mais on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire en gros c'est pas à la puissance publique de mettre plus d'argent, regroupez-vous, enfin c'est la loi autonomie de Valérie Pécresse. Et trouvez vous-même les moyens. Donc ça a peut-être certaines vertus, mais ce qu'on voit bien, c'est que ça donne des pôles d'excellence. Évidemment, ça donne Paris-Saclay parce que Paris-Saclay, voilà, d'abord c'est la science dure, d'abord c'est prestigieux. Puis il y a le CEA, et il y a aussi d'ailleurs, c'est ce que disait intéressant ce spécialiste. On parle aussi des personnels administratifs parce que mine de rien, pour faire fonctionner l'enseignement supérieur et la recherche en université, il faut du personnel administratif pour pouvoir monter les dossiers, pour pouvoir les présenter à l'ANR. Et quand on est tout seul dans son coin, l'Agence nationale de la recherche, c'est quand même très très compliqué. Donc on voit bien que ça dépasse même la question des anciens chercheurs. En un mot, Dominique Leglue, puisqu'on est à la fin de cette émission. Paris-Saclay, vous savez aussi qu'il y a l'onco-cluster, autrement dit le gros cluster sur la recherche. Sur le cancer. Et bon, il y a Gustave Roussy dans l'eau. Donc vous voyez, là, c'est de l'alliance publique-privée. Et c'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup à tous les trois. On aurait peut-être d'ici le premier tour, referons-nous une émission sur les questions d'environnement plus à proprement parler et d'énergie dont on a très peu parlé. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous éclairer le programme des différentes candidats à l'élection présidentielle. Dominique Leglue, Olivier Mont, Sylvestre Huet, la méthode scientifique, c'est comme chaque jour la chouette équipe, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Noémie Aguet-Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique, comme toujours en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.